L'organe du Parti communiste britannique The New Woken, en date de 14 corons, a présenté un numéro spécial sous le titre « Félicitations à la réussite du 7e congrès du Parti travail de Corée » avec la photo du maréchal Kim Jong-un. Il a écrit son élection au poste de président du Parti travail de Corée selon la volonté élevée unanime de tous les militants du parti, des militaires et des civils coréens, et rapporté qu'un nouveau jalon a été inscrit dans la lutte du parti, de l'armée et du peuple coréen pour achever la cause socialiste tutsi sous le drapeau de transformation de toute la société selon le Gimilsonisme Kimjongilisme. Par ailleurs, Tawin, secrétaire du comité du parti pour le développement de la solidarité de l'Union de Myanmar pour Yangon, a publié le 12 un entretien en signe de félicitations à la réussite du 7e congrès du parti coréen.